Chaque mot déformé perd son sens. Mais Rider Skill reste entier. Un feu sincère, jamais brisé. S'allient chaque reflet, révèle leurs cicatrices, leur voix s'égare dans le vent. Leurs cendres tombent, je reste vivant. Moi je ne plie pas, je reste droit, franc et sincère devant vos lois. Rider Skill ne triche jamais, chaque mot gravé, chaque fait. Chaque attaque nourrit ma voix, vous n'êtes que l'ombre de vous-même. Un reflet froid, sans diadème. Moi je marche droit dans ma flamme, honnête, sincère, j'avance sans drame. Rider Skill renaît sans détour, un phénix forgé dans l'amour. Que rien ne peut éteindre.